Say one thing, none see, can't understand. One thing, none see, can't understand. One me, them a talk about me ambition. Say one me, who them a talk about me ambition. Come me say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. C'est une nouvelle émission de Web Musique qui débute. Simon Roy avec vous pour la prochaine heure. On fera pas aucun changement. Comme à l'habitude, je vous propose des pièces en téléchargement gratuit. Si il y a des pièces qui vous intéressent, vous avez juste à vous rendre sur le site de Web Musique. C'est au www.webmusique.ca. Le web, je l'écris O-U-E-B-E. Donc, c'est ça, vous vous rendez sur la page, vous avez accès à la playlist et vous cliquez sur les liens, vous pouvez télécharger les pièces ainsi que les albums au complet, tout ça de façon gratuite et légale. Cette semaine, on va débuter avec un artiste sur l'étiquette Night Audit Music, c'est One Minus One, je vous fais entendre la pièce Creeping and Crawling. Ça va être suivi par un autre artiste, lui sur l'étiquette Pick Pack, une étiquette qui se spécialise dans le single, donc des petites parutions. Très fréquente, pick-pack, toujours intéressant, musique électronique, expérimentale, à peu près dans tous les genres. Donc, ça va être Twitch Garden avec la pièce Hypnotica. Et enfin, on va conclure le bloc avec Trillingo et Cosimo. Je vous fais entendre la pièce Higher. C'est donc un duo qui nous vient de Sydney, en Australie. Ça, c'est publié sur l'étiquette Digital Diamonds. Donc, on débute avec ces trois pièces-là. Puis je vous reviens par la suite. There's a place in the back of my mind. I'm gonna search every time this world's in disgrace. Sound.

Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89.1. On vient tout juste d'entendre une pièce d'un duo de la ville de Sydney en Australie. C'est Trillingo et Cosimo. C'était la pièce Higher. C'était sur l'étiquette Digital Diamonds. Avant ça, on entendait une pièce de Twitch Garden intitulée Hypnotica. Ça, c'était sur l'étiquette Pickpack. Et enfin, sur l'étiquette Night Audit Music, on débutait l'émission avec One Minus One. C'était la pièce Creepin' and Crawlin'. On poursuit l'émission avec un truc qui nous vient de la ville de Los Angeles aux États-Unis. C'est Vector Burn. Je vous fais entendre la pièce Jam on It. C'est sur l'étiquette Internet Recordings. We'll be right back. CKRL. Avez passé temps pour vous et votre famille? Pensez à GestiGroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. GestiGroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, GestiGroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAVE, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. La coopérative de solidarité La Patente est à la recherche de financement. La Patente, c'est un atelier communautaire qui verra le jour en plein cœur du Vieux-Limoilou. Un endroit où les citoyens de Québec vont pouvoir venir travailler sur leurs projets. Il y aura des ateliers équipés pour le travail du bois, du métal, du textile et de la mécanique de vélo. La Patente est présentement en campagne de levée de fonds en collaboration avec la Ruche de Québec. On a presque atteint notre objectif et on a besoin d'un dernier petit coup de pouce. Contribuez sur laruchequebec.com pour que notre rêve devienne réalité. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10$, deux pour 15$, trois pour 20$, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou! J'ai chaud, j'ai froid, C'est Web Musique qui se poursuit. Vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Tout juste avant la pause, on entendait un artiste de la ville de Los Angeles aux États-Unis. C'était Vector Byrne avec sa pièce Jam On It. C'était sur l'étiquette Internet Recordings. On poursuit cette fois-ci avec un artiste de la Belgique. Il s'agit de Skip. Je vous fais entendre sa pièce Unlittle. C'est donc sur l'étiquette Crazy Language. Ensuite de ça, sur Phantom Tone, je vous fais entendre la pièce Through Waters. C'est par Phantom Crunch, un artiste de la ville de Berlin. Donc on écoute avec plaisir ces deux pièces. Thank you. C'était donc Phantom Crunch avec la pièce True Waters. C'est un artiste qui nous vient de la ville de Berlin. C'était sur l'étiquette Phantom Tone. Avant ça, c'était un artiste de la Belgique du nom de Skip avec la pièce Unlittled. Ça, c'était sur l'excellent netlabel Crazy Language. On poursuit avec un truc cette fois-ci sur l'étiquette Hot Damn Records. J'adore le nom de l'étiquette. C'est un artiste de la ville de Londres, c'est Zayo. Je vais entendre la pièce Shut It Down. Ensuite de ça, de la ville de Montréal, anciennement à Québec, Maxime Robin avec l'éloge de la lenteur. Past. I'm taking it back to the future in a flash. I felt time slipping through my hands like sand, so I grip it like I'm taking shots from the hourglass. How fast do you think that I can make it past ya? Moved to the UK in 2 years. I ramped up masters, captured the feelings of these bachelors. How can I follow traditions and be such a maverick? It's so disgusting. I'm so disgusted. I don't even understand how I rise above it. The bullshit, censorship, evil world conflict. Somebody should accept me like a Middle East tyrant. I'm not a rebel though, I'm an authority. If I say so, you should know there's only one of me. Too many haters and they wanna sell their misery. But I ain't buying unless it takes a victory. So C'était Maxime Robin avec sa pièce L'éloge de la lenteur. C'était précédé par Zayo, un artiste de Londres, avec sa pièce Shut It Down. C'était ça sur l'étiquette Hot Damn Records. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vous invite à visiter la page de l'émission pour consulter la playlist et ainsi télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.ca et vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour télécharger toute cette bonne musique. C'est déjà tout pour l'émission Web Musique, donc on va se quitter sur une dernière pièce d'un artiste allemand du nom de OSR. Je vous fais entendre la pièce Black Sheep, c'est sur l'étiquette OBC Records. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 19h pour notre émission de Web Musique.